qu'elles sont si belles, pendues à tes oreilles. C'est joli, bercerie. Dieu, qu'elles sont si belles, pendues à tes oreilles. Quand les bourgeons chantonnent, les sons qui fleurissent, les filles s'adoucissent. Quand les tulipes claironnent, les filles qui foisonnent. Les jonquilles qui jaunissent, les filles s'assouplissent. Qu'elles sont si belles, pendues à tes oreilles. C'est joli, bercerie. Dieu, qu'elles sont si belles, pendues à tes oreilles. Quand les ruisseaux frissonnent, les filles qui s'adonnent. Accueillir des narcisses, les filles s'embellissent. Quand les bosques s'étonnent, les filles qui déconnent. Les mini-jupes qui plissent.